Quelle est la différence d'énergie entre un corps vital et un corps physique? Bon, quand on parle de corps d'énergie, comment se bâtir un corps d'énergie, ben justement, on peut parler aussi de différents corps d'énergie. La matière est de l'énergie, donc un corps de matière est nécessairement un corps d'énergie. Sauf que l'énergie est extrêmement densifiée, donc n'est pas révélée. De ce fait, nous allons plutôt parler d'un corps de matière plutôt qu'un corps d'énergie, même si finalement toute forme d'expression est énergétique. Alors, comment faire un corps d'énergie? On n'ira pas parler de comment faire un corps de matière. Tout le monde sait un peu comment. Il faut un homme et une femme, habituellement. Et puis, il faut un peu de temps. 9 mois, c'est vrai? Oui. Un mec en plus dans 10 minutes. Alors, nous allons parler d'un corps d'énergie qui est intéressant. C'est celui qui permet à l'humain de parvenir à se réincarner à la longue à travers une conscience qui est de plus en plus consciente d'elle-même, remémorante d'elle-même, une conscience qui est de plus en plus apte au fur et à mesure des incarnations, donc des réincarnations, conscience qui est de plus en plus apte à se rappeler de ce qu'elle est et à se rapprocher de ce qu'elle est globalement plutôt que uniquement faire un retour vers le passé pour savoir ce qu'elle a été. Donc il y a comme corps d'énergie, il y a le bébétérique qui est un corps d'énergie extrêmement important dans l'évolution salvatrice de l'humain. Il y a aussi un corps d'énergie qui est constitué dans le monde de la mort et qui vie après vie, incarnation après incarnation, mortalité après mortalité, accumule dans le monde de la mort les essences même de ce que seront le prochain être humain qui, à un moment donné, aura la capacité biologique de reconnaître et de recréer ce qu'ont été les ancêtres, mais dans un temps qui est plus moderne. Autrement dit, lorsque l'être humain meurt dans le passé, une grande partie de ce qui est le plus évolué chez lui gagne les hautes sphères du monde de la mort, qu'on appelle souvent les hautes sphères spirituelles. Et dans cette région, il va se créer des agglomérats qui peuvent être considérés comme un corps d'énergie à ce niveau. Et à travers les différentes réincarnations, ces agglomérats d'énergie hautement évolués qui ne sont pas suffisamment vibrants pour avoir la capacité d'échapper au monde de la mort et de retrouver les traces de l'éthérique lors de la mort du corps physique, ces agglomérats d'énergie peuvent redescendre par un canal réincarnationnel lorsqu'il y a création, donc fécondation de novules et création gestative d'un corps physique, qui sera semblable dans les capacités d'expression à ce qu'a été le corps physique qui a créé cet agglomérat hautement spirituel. Et à travers ces vies, mort, vie, l'agglomérat en question qui s'incarne et meurt, donc qui incarne le monde de la mort, ou qui désincarne le monde de la matière régulièrement, à travers quelques milliers de vies, va devenir suffisamment pesant, suffisamment constitué, pour avoir la capacité à un moment de descendre à travers le monde de la mort, et pour attirer à lui des mémoires qui, jusqu'à date, ont été... On a traité ces mémoires à différentes personnalités, et on appelle cela personnalité réincarnative. Et lorsque cet agglomérat spirituel va descendre à travers le monde de la mort, rendu à un certain niveau d'évolution du corps physique, comme il y en a beaucoup plus vers la fin du 20e siècle, alors cet agglomérat spirituel descend et entraîne avec lui, dans sa réincarnation, les mémoires réincarnationnelles de différentes personnalités qui ont cohabité avec les agglomérats pendant qu'ils étaient en constitution, à travers les différentes réincarnations, donc à travers les temps historiques, et ces personnalités réincarnatives vont devoir réintégrer un corps matériel, un corps de fer, sous le joug, sous le contrôle de cet agglomérat spirituel, et à travers la vie de ce corps physique, à travers les 50 premières années de la vie, il y aura digestion, c'est-à-dire qu'il y aura réincarnation continuelle de ces mémoires, de ces personnalités réincarnatives, attirées par l'agglomérat spirituel qui maintenant est incarné, et à travers les 50 à 60 premières années de la vie, jusqu'à ce nouveau corps physique, il y aura réincarnation continuelle de ces mémoires. Cela va faire en sorte que va être précipitée la résurrection des morts. C'est-à-dire que dans le concept théologico-catholique, eh bien, la résurrection des morts se fait à la fin des temps, où il y a, à travers les morts, résurrection des corps de chair, pour pouvoir permettre à ces corps de chair, parce que dans ce concept théologique, on considère comme étant très important le corps de chair, presque plus important que l'âme et l'esprit, parce que finalement, ce n'est pas l'âme ou l'esprit qui a l'importance de la résurrection, mais c'est bien le corps de chair. Et si on doit donc redonner le même corps de chair pour que ce soit le même personnage, alors cette résurrection, du point de vue de ce concept particulier, de ce vieux concept, c'est une résurrection où les morts reviennent à la vie. Et 80 milliards d'êtres humains sont déçus en enfer pour le restant de ce que la Bible dit, c'est celui qu'appelle l'éternité, mais il n'y a jamais de restant à l'éternité. C'est éternel. Alors, comment s'appelle cet agglomérat spirituel? L'agglomérat spirituel, c'est un corps d'énergie. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle pas, c'est toujours en vie. Est-ce que ça a un nom? Comme le double éthérique porte un nom, est-ce que c'est agglomérat-là? Agglomérat spirituel. Ouais. Ça n'a pas de nom particulier. Les noms comme tels, si on veut faire des parallèles avec le passé, on peut appeler cela l'âme, mais ce n'est pas l'âme. Parce que l'âme, c'est quelque chose qui se dissout dans le monde de la mort. Et il y a énormément de parties de l'âme à travers les phases purgatorielles qui sont disséminées. Et c'est ces parties de l'âme à travers les phases purgatorielles qui vont être ramenées dans l'incarnation de cet agglomérat spirituel. Autrement dit, l'être humain vit d'un processus de réincarnation qui est plus radical fusionnel, c'est-à-dire qu'un million d'êtres humains meurent. Et plus tard, dans le monde de la mort, c'est un million d'expériences personnifiées. Donc, dans le monde de la mort, ces âmes, c'est-à-dire totalement dissipées à travers les autres énergies du monde de la mort, vont s'entremêler et vont revenir incarner peut-être 100 000 corps physiques. Un million font 100 000. Ces 100 000 sont beaucoup plus puissants au niveau psychologique. Et leur corps physique est aussi beaucoup plus puissant parce qu'il y a eu mélange génétique, comme il y aura dans le monde de la mort mélange psychologique. Et ces personnages vont se réincarner. Par contre, tout ce qui est banni de l'incarnation parce qu'il n'y a pas de corps physique capable d'attirer les parties d'un ego, les parties d'un je, les parties d'un moi, les parties d'un humain qui a été dilapidé dans le monde de la mort, toutes ces parties vont créer les mémoires relatives du monde de la mort, c'est-à-dire une expérience akashique, c'est-à-dire la mémoire exacte, la mémoire réelle de l'histoire humaine non incarnée, c'est-à-dire c'est l'expérience subconsciente de la planète Terre, alors que l'expérience consciente est le phénomène réincarnationnel, c'est-à-dire tout ce qui habite dans la conscience, même si souvent c'est une conscience inconsciente, dans la conscience des corps physiques vivants sur le contexte planétaire. Tous ces phénomènes, donc, cette inconscience ou ce subconscient planétaire, fait partie de l'expérience de l'homme, de la femme et de l'enfant, qui doit revenir à un moment donné pour pouvoir parfaire la création d'une âme suffisamment égoïsée pour engendrer un mental suffisamment puissant pour parvenir à une frustration d'écœurement qui engendrera la désillusion totale que j'appelle finalement la désillusion de Dieu, qui par la suite, par une égoïsation, c'est-à-dire par fonte de l'ego, va précipiter dans le monde du plan mortel, le monde de vie sans corps avant le monde de la mort, suffisamment d'énergie pour engendrer un autre corps éthérique, un autre corps de lumière, un autre corps d'énergie, le bébé éthérique. Donc l'être humain qui vit différentes réincarnations ne peut se rappeler, sa fois qu'il vit au monde, ce qu'il a été parce que c'est toujours des parties, de parties d'êtres humains qui s'incarnent. Et il va venir un temps, et ce temps est arrivé pour plusieurs corps physiques, donc pour plusieurs humains, c'est-à-dire pour plusieurs agrégats spirituels. Il vient un temps où l'agrégat spirituel a suffisamment de conscience énergétique, donc c'est un corps d'énergie qui finalement est créé, mais dans le monde de la mort, que cet agrégat spirituel a la capacité de s'incarner à travers le canal réincarnationnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est attiré par une condition génétique, par un corps physique, capable de le recevoir, c'est-à-dire utilisable pour permettre l'expression de l'agglomérat spirituel. Donc, l'agglomérat spirituel est simple. Lorsque l'agglomérat spirituel, les agglomérats spirituels ne s'incarnent pas, ils ne s'incarnent qu'une seule fois à travers la vie d'une planète. Donc, l'être humain qui vit dans un corps animal crée de l'expérience émotive, créer de l'expérience sécrétative, c'est-à-dire que l'émotion est transmise dans le corps physique par sécrétion hormonale. La sécrétion hormonale est l'altérateur du corps physique, c'est-à-dire que la sécrétion hormonale est la mécanique qui altère la condition du corps physique, qui le tue, qui le rend malade, qui le fait vieillir, mais qui en même temps le mute, c'est-à-dire crée une cellularisation, transforme lentement la génétique du corps physique, c'est-à-dire que le rend plus résistant aux agressions des hormones transmise par le facteur émotif et à travers la procréation génétique, à travers des millions d'années, parce que les parents ont des enfants trop jeunes. C'est-à-dire que les parents procréent dans un âge trop jeune. Ils n'ont pas le temps de cellulariser suffisamment d'expérience. Ça prend donc des millions d'années d'évolution animale humaine avant que des corps physiques soient suffisamment solides et capables de recevoir la glomérose spirituelle en question. À travers 300 incarnations, 300 vies, c'est une moyenne des vies de la majorité des personnes de la salle ici. Ces personnes ont approximativement, dans la dame moyenne d'âge, on peut parler de 1500 à 2000 ans de vie. un individu a toujours l'impression qu'il a 20, 30, 40, 50, 60 ans, parce qu'il fait référence à son corps physique actuel, c'est-à-dire à l'actuelle expression de la forme. Lorsque l'être humain vit 30 vies, à chaque fois qu'il vit des vies, il construit un corps d'énergie qui va être spiritualisé, c'est-à-dire un corps d'énergie qui ne peut être conservé en mémoire que dans le monde de la mort, dans les hautes sphères spirituelles, et alors que tout ce qu'il vit en tant qu'expérience est conservé dans l'akasha, c'est-à-dire dans la mémoire historique, la mémoire réelle du temps, du monde de la mort, et une partie de ce qu'il a vécu émotivement qui ne fait pas partie de l'évolution spirituelle de l'être, mais qui fait partie de l'expérience qui tenait à l'évolution spirituelle par l'animal, l'animal humain, et l'expérience émotive va combler le monde de la mort en tant que mémoire volatile. C'est ce qui normalement s'incarne à chaque réincarnation. Donc, il y a l'homme qui, il y a de cela quelques 300 000 ans, elle est jusqu'à aujourd'hui, l'homme, la femme ou l'enfant, il vit, il n'est pas conscient qu'il est là, il n'est pas conscient qu'il sait, qu'il est un animal tout court, c'est même pas un animal humain, avec un potentiel d'être humanisé, et il vit de l'émotion, il commence à vivre de l'émotion à partir de l'Atlantide parce qu'il a un corps de désir, un corps émotif suffisamment solide à partir du fait que le système sanguin a été hémoglobinisé, c'est-à-dire qu'il y a eu la création de l'hémoglobine, qui est un transporteur d'oxygène et de carbone, et on sait qu'atomiquement, dans l'oxygène et le carbone, il y a là le plus grand transport de phénomènes émotifs. C'est pourquoi, si on reste à l'atmosphère d'une personne, on peut facilement être manipulable par elle, que ce soit dans le métro, que ce soit dans une salle, ou que ce soit au contact d'une personne hautement spiritualisée, qu'on appelle un maître ou un guide. Lorsque notre individu vit, il sécrète, il émet de l'énergie dans le monde de la mort, cela va créer la trace émotif de son passage dans ce corps-là. Lorsqu'il meurt, le peu de ce qu'il a de conscience réelle va gagner les hautes sphères spirituelles et va commencer à créer l'agglomérat. Tout le reste qui constitue son ego, les mémoires expérientielles de l'âme, vont être dissoutes à travers le monde de la mort, c'est-à-dire que tout ce qui est similaire se relie ensemble et tout ça va se fusionner. Après 30 vies, il y a suffisamment d'expérience émotive de ces différents corps physiques, de ces 30 corps physiques. Et par contre, à chaque corps physique, à chaque vie, il y a une expérience totalement différente dans le contexte matériel, dans le contexte émotif, dans le contexte familial, dans le contexte social, dans le contexte théologique, dans le contexte politique, dans le contexte guerrier, dans le contexte tellurique. Et chaque fois, c'est un agglomérat spirituel différent qui va être engendré, qui va rejoindre l'agglomérat principal en haut. Qu'on doit savoir, bon, enfin, c'est vrai que c'est intéressant pour la désillusion des dieux, c'est qu'un être humain qui crée un agglomérat, l'agglomérat spirituel peut rejoindre tel agglomérat spirituel et qui donne lui, et il peut rejoindre tel autre aussi, il peut se scinder en deux et en rejoindre deux. Ça crée des particularités qui, un jour, seront capables de reconnaître totalement l'intelligence qui sera tirée par le corps physique dans l'homme quelques milliers d'années plus tard. Donc, chaque fois qu'un être humain vit, il crée de l'expérience dans le monde de la mort, c'est l'expérience sur l'incarne, mélangée avec l'expérience d'un paquet d'êtres humains, qui sont en affinité avec un corps physique particulier qui les reçoit. On a déjà expliqué, j'en parle plus de profondément dans le séminaire, mais on a déjà expliqué quand même brièvement que si j'avais les mains de musicien, je réincarnerais des mémoires de musicien. Si j'avais les yeux d'un pilote d'avion, je réincarnerais des mémoires de personnes qui ont besoin des yeux d'œil perçant. Si j'ai des jambes de coureur, je réincarnerais aussi des mémoires de coureur parce que les mémoires voudront courir dans mon corps. Donc, à travers le monde de la mort, selon le corps physique, va attirer différents phénomènes, différentes mémoires, qui vont être en affinité avec le corps physique. Ce n'est pas du monde de la mort qu'on choisit le corps, mais c'est le corps qui attire des facteurs animateurs, donc des facteurs amiques du monde de la mort. L'agglomérat spirituel, après 30 vies en moyenne, va maintenant descendre. L'agglomérat spirituel s'incarne une seule fois dans la vie d'une planète. Il est ensuite transformé? Oui, il s'incarne et il va prendre une grande part de place dans la structuration de l'ego. Normalement, lorsque l'agglomérat spirituel s'incarne, il engendre un enfant question, c'est-à-dire qu'il engendre un enfant nouveau. Il engendre un enfant qui décolle déjà des traditions, un enfant qui va devenir un problème rapidement, c'est-à-dire un enfant qui remettra en question rapidement beaucoup de choses, mais ce sera un enfant qui va devenir un jeune adulte, finalement un adulte, qui continuera toujours à remettre en question. C'est un enfant donc inadaptable, c'est un enfant sur lequel, ou un être humain, question, sur lequel le cadre du passé ne colle pas. Parce que l'agglomérat spirituel, qu'est-ce que c'est de l'agglomérat spirituel, ce corps d'énergie? C'est la reconnaissance, à travers l'expérience du différents corps physiques, c'est la reconnaissance planétaire par un corps humain de sa provenance éthérique, de sa provenance intentionnelle, de sa provenance réactionnelle. L'humain ira de sa provenance divine. Alors que ce n'est pas divin, c'est de beaucoup supérieur à ce que l'humain peut concevoir comme étant divin. Chaque fois qu'un être humain a dans l'évolution de sa conscience la reconnaissance de l'intelligence, la reconnaissance de la conscience instantanée, la reconnaissance de l'intelligence active, non assujettie aux mémoires expérientielles de l'homme, la reconnaissance finalement d'une saveur qui fait de lui autre chose que nous autres, autre chose qu'un petit corps matériel, autre chose qu'un mortel. Chaque fois qu'il y a cette libération dans l'humain, c'est cette expérience qui va astralement constituer le corps d'énergie spirituelle, c'est-à-dire cet agglomérat spirituel. Cette mémoire est la plus conforme possible, c'est la mémoire la plus conforme que l'on puisse créer dans un contexte expérientiel, mémoriel, astralisé d'une planète, c'est la mémoire la plus conforme à la réalité de ce qu'est l'être humain. Est-ce que l'agglomérat a de la mémoire? L'agglomérat n'a pas de mémoire, bien qu'il soit uniquement constitué de mémoire. C'est-à-dire que c'est uniquement une conscience instantanée de ce que c'est, mais ça n'a pas conscience d'être. Alors, cet agglomérat va descendre à un moment donné, s'incarner, c'est ce qui est arrivé dans plusieurs cas ici, et on en retrouve de plus en plus, parce que l'état avance, on en retrouve de plus en plus à l'échelle nord de cette planète à Terre, donc du côté de l'hémisphère nord. Ce corps-là est attiré par un corps physique en condition d'évolution suffisamment avancée. Oui, un corps physique sur la Terre a été engendré permettant le support d'un agglomérat spirituel qui sera capable, à l'intérieur du corps physique, de faire une guerre ou de faire une lutte atroce au subconscient planétaire, c'est-à-dire aux personnalités réincarnatives qui vont descendre, c'est-à-dire aux parents premièrement, aux traditions finalement et au passé globalement. C'est un agglomérat qui fera une guerre totalement destructrice à toute forme d'ego conditionnée par l'identification dans le je et dans le moi conditionnée par le passé. Autrement dit, lorsque l'agglomérat spirituel, ce corps d'énergie descend à l'intérieur de l'humain, il descend dans l'homme, il peut s'incarner après la naissance. C'est rare, c'est ce que c'est. Autrement dit, toi, alors, si tu as, un agglomérat spirituel peut, à un moment donné, s'incarner chez toi. Et c'est ce qui, normalement, arrive lorsqu'une personne commence ce que, bien souvent, les séminaristes appellent en riant, commence leur conscientisation supramentale. Alors, ils commencent à souffrir, ils commencent à devenir pauvres, ils commencent à être malades, ils perdent des amis, ils sont toujours éclairés. On s'appelle bien par l'astral. L'éthérie de l'évolution. Oui, c'est l'éthérie de l'évolution. Mais en réalité, c'est une phase comme si on t'arrachait une dent. Oh, la dent et le carillon, on l'arrache. Et tant qu'on l'arrache, évidemment, l'ego ne comprend pas. Il appelle cela souffrance, il appelle cela tiraillement, il appelle cela manipulation, il appelle cela saignement, il appelle cela douleur. Une fois que c'est fait, c'est caprice, et puis après ça, c'est drôlement mieux. Sauf que pendant la période de chirurgie, l'ego ne comprend rien parce que l'ego n'a jamais expérimenté cette forme de chirurgie, donc il ne sait pas qu'il est en train de se faire soigner. Le double spirituel, on n'est pas de nom en hébreu, hein? Le double spirituel. Ce n'est pas un double spirituel. Ça n'a pas de nom. Un agglomérat, c'est pas un nom. Alors, trouve un nom si tu veux, mais ce n'est pas un double, parce que le double est toujours la copie de quelque chose. Et ça, c'est la copie de rien. C'est pas la copie. C'est l'agglomération de la prise de conscience mémorisée de l'intelligence. C'est une unité de spiritualisation qui appartenait toujours au même individu d'un 30. Si tu mets un vrai nom, on peut parler du Dieu humain. Bon, okay. C'est le Dieu humain, pourquoi? Parce que c'est la fine fleur de ce que l'homme peut engendrer dans le ciel, c'est le monde de la mort. Alors, les plus hautes divinités vivent dans ce palier. Quand un être humain, à un moment donné, rencontre un guide de lumière, un guide spirituel, un Jésus, un machin, un dark code, n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre simplement un agglomérat spirituel. L'agglomérat spirituel n'ayant pas encore trouvé de corps pour s'incarner, a peut-être trouvé du corps physique pour s'exprimer. Alors il va s'approcher de ce corps physique et il va venir leurrer l'ego, donc inscrire l'ego, pour lentement préparer l'ego à travailler le corps physique pour que ça engendre à moyen ou à court terme, un tort physique, soit qu'ils aient des enfants, ou soit de l'intermutation solidarisante, c'est quand même plus rare, pour que ça engendre un tort physique qui permettra à ce maître de s'incarner, c'est-à-dire à cet agglomérat spirituel de s'incarner. Pour cet agglomérat ou ce maître-là, s'est formé sur 30 ans de vie. C'est pas que c'était sur un maître. Sur 30 vies. C'est pas que c'était un maître initialement. Non, ben, c'est un nom. C'est devenu un maître. C'est-à-dire que c'est devenu un maître lorsque lorsqu'il a touché un être humain et que l'être humain, dans son habitabilité, l'a appelé maître. Mais c'est devenu un agglomérat spirituel. Mais c'est l'accumulation de ces 30 années, ces 30 vies-là. 10 000 ans. Ok. Qui forme l'expérience de cet agglomérat-là. Mm-hmm. Quand cet agglomérat-là se réincarne, est-ce que du coup, on il a... Il ne se réincarne pas. Est-ce que une fois? Donc, il s'incarne. Ok. Quand il s'incarne, le justement de la parole, quand il s'incarne, cet agglomérat-là, est-ce que l'individu, le corps physique qu'il reçoit, l'ego, a l'expérience de ces éléments-là d'un coup? Oui. C'est-à-dire d'un coup. Ça le fait mal, justement? Ça. Il a immédiatement l'expérience du maître. Donc, notre corps physique, animal humain, devient beaucoup plus humain, s'approche de l'humain, non de l'être humain. Il a cette expérience de maître. Par contre, il y a maintenant l'ego. Parce que lorsque cet agglomérat ou ce maître s'incarne, il attire avec lui tout ce qui a vécu au contact de tous les constituants de l'agglomérat. Autrement dit, tu attires vers toi facilement 30 millions de mémoires de personnalités réincarnationnelles. Même si tu as vécu 30 vies, tu vas attirer avec toi toutes les mémoires attachées de tous les humains attachés avec le vivant, de tous les parties qui ont créé l'agglomérat. Ce qui, nécessairement, engendre chez l'être humain en question, un maître, c'est lui, et la plus grande abomination évolutive en même temps. Ça doit être assez inconfortable. Maintenant, c'est des choses. Comment tu fais pour passer à travers? Parce que ça fait un choc, théoriquement, ça fait un choc. C'est sûr que si dans la naissance, le choc, il est tout au long de l'enfance, tout au long de l'adolescence, tout au long de la jeunesse, et on finit par s'adapter au choc, ce qui fait qu'on ne sent plus le choc. Il sait qu'il a mal à la tête tout le temps, il sait qu'il a mal à la tête, mais il ne sait pas plus le mal de tête. C'est normal. Ça devient normal, même si ça reste une souffrance. Qu'est-ce que c'est l'avantage d'être possédé, je dirais, par un agglomérat comme ça? Non, mais la question se pose à l'inverse. Quel est le désavantage pour l'agglomérat d'être possédé par un ego? Quand l'imbécile d'ego pose la question, alors lui, il la pose comme s'il l'a posé là, il dit qu'est-ce que c'est l'avantage de posséder par un agglomérat spirituel? Et c'est l'ego qui parle. Oui, c'est comme le virus. Le virus se dit, c'est quoi l'avantage de, que le corps ait des antibiotiques dedans? Ben, il n'y en a pas. Ça fait plus. Alors, posons la question, maintenant, par rapport aux bonnes cellules, c'est quoi l'avantage qu'il y ait des antibiotiques? Ça fait plus les virus. Quel est le désavantage pour l'agglomérat spirituel d'être dans un ego? Le désavantage, c'est qu'il y a un ego. Mais qu'est-ce que c'est là, d'abord, c'est un désavantage? Il doit le manger. Voici, la question qui s'est posée, pour faire un parallèle intéressant, quel est l'avantage pour l'homme des cavernes s'il existe des tyrannosaures rex, des brontosaures, des pterodactyles, des rhamphorhynchus, des cynodons, etc.? Il n'y a pas d'avantage particulier. Le Tyrannosaurus rex, c'est-à-dire roi des terres et des lézards, c'est un animal qui a 2000 dents, grand comme des lames de Gwyn. Et en plus, quand ça marche, ça saute, ça fait tout vibrer sur son moteur. Le Rhamphorhynchus, c'est une espèce de gros lézard qui vole, qui m'a donné de fonce aussi, qui il ne trouve pas plus que ça, c'est un carnivore, mais ça le trappe, c'est pas génial. Le Cynodon, c'est un tigre avec des grandes dents. Alors. C'est quoi l'avantage pour l'homme que ce soit là? Le reste n'est pas là. Ça a déjà été là. Ouais. C'est quoi l'avantage pour l'homme des cavernes? Aucune idée. Hey, c'est ça qui fait manger sans désavantage. Alors qu'il devient suffisamment intelligent pour commencer à les tuer et à les manger, ça devient un gros avantage. Au lieu de manger des moustiques, tu vas se faire jamais un enfant d'en sortir. Quand tu tues un tyrannosaure et que tu bouffes, t'en as pour l'année. Bon. Alors, pour l'ego, c'est une chose. Lorsque l'agglomérat spirituel descend dans le corps de l'homme, il se confronte à un ego. C'est-à-dire, à tous les mémoires expérientielles, à tous les mémoires des ancêtres, à tout ce qui est passé avant nous, qui a créé l'agglomérat qui descend. Tout ça, on va se réincarner toute notre vie. Mais plus il y a de conscientisation, plus vite ça descend. C'est attiré, ça veut dire qu'on envoie les troupes d'élite de l'astral pour venir massacrer ce que tu es en tant que conscience, en tant qu'agglomérat spirituel ou en tant que maître. Alors l'avantage qu'il y a, c'est qu'évidemment il y a un inconvénient, c'est que tu peux te faire massacrer. C'est déjà arrivé. C'est rare. C'est rare ici. Et l'avantage qu'il y a pour l'agglomérat d'énergie, pour le maître spirituel, qui va engendrer un ego qui sera capable de supporter de l'intelligence pour finir par se spiritualiser et pour engendrer un délétérique, un autre corps d'énergie. L'avantage qu'il y a, c'est que lorsqu'il sera suffisamment puissant, il y aura de la nourriture en masse, c'est-à-dire qu'il pourra dissoudre l'ego, dissoudre les mémoires volatiles, donc tout ce qui est expérientiel au niveau de l'âme, pour pouvoir engendrer le délétérique. Mais pour lui, c'est un avantage certain. En autant que c'est capable de survivre, est-ce que, comme tu disais tantôt, c'est rare que ça peut arriver qu'il soit détruit? Mais il est attiré seulement par des corps qui sont capables de supporter. Oui. Mais comment peut-il énergiquement savoir que l'ego ne va pas le bouffer? Il ne sait rien parce qu'il n'a même pas conscience qu'il est là. À un moment donné, il commence à descendre, il y a un corps physique qui est suffisamment prêt pour le recevoir. En même temps, tout ce qui fait partie du monde de la mort et bien l'expérience des constituants de l'agglomérat vont s'incarner en même temps avec. Et il se retrouve sans conscience, c'est-à-dire qu'il n'a pas le jeu. Il n'a pas l'idée du jeu. Il manipule simplement, insidieusement, tout l'ego qui lui se prend pour le jeu ou le moi. C'est-à-dire que l'individu se dit, moi je veux vivre ma vie. À un moment donné, il se dit, à quoi ça sert la vie? Ça c'est un coup de cochon de l'agglomérat spirituel. À un moment donné, il va fouiller dans les livres sacrés, il va lire la Bible, il va lire le Coran, ou il va lire le troisième œil de l'Absame Rampart, ou il va lire le livre de la vérité du mouvement raélien, ou il va lire Tirez-vous-même Michel, ou etc. Bon. Il va lire différents livres, mais il vient se faire ramasser simplement, c'est que lui, son ego n'a pas l'idée d'évolution. Pourquoi il ne se contente pas de la petite religion traditionnelle où il doit faire un film de croix puis monter son chapeau ou son veston? Parce qu'à un moment donné, quelque chose le ramasse par en arrière et le force à vérifier ailleurs. Il y a un agglomérat qui est incarné, un maître. Et le maître tient absolument à bouger tout ce qui est réincarnationnel au niveau de l'ego pour empêcher la synergisation continuelle de l'ego, c'est-à-dire pour que l'ego vive de nouvelles expériences. Vivant de nouvelles expériences, il ne peut pas nourrir les vieilles expériences, donc les archétypes de l'ego sont néotypés, c'est-à-dire qu'ils deviennent nains. Et à travers ce changement, un ego n'est pas capable de supporter de l'imprévu. Alors, la conscience énergétique qui est inconsciente de sa présence, que l'agglomérat spirituel, fait en sorte que l'ego, et donc le corps physique, bref, que l'humain, soit continuellement confronté à vivre de l'imprévu. C'est ce que t'appelles vivre sur la corde de l'âme. Oui, dans l'instant où l'humain commence sa conscientisation, il se retrouve sur une corde raide entre la maladie, la santé, la pauvreté et la richesse, les amis et les ennemis, etc. Il vit sur une corde raide où il ne sait jamais s'il aura un emploi ou il perdra, ou etc. Mais il ne manquera de rien. Il ne manque jamais de rien. Il est totalement supporté par de l'intelligence, mais il ne le sait pas. Il doit expérimenter cette sécurité inconditionnelle de l'intelligence dans sa vie. Sauf que nécessairement, il n'aura pas tout ce que son ego désire, ça n'a rien à voir avec l'ego. Mais il ne peut pas se ramasser dans la boue. Aussi, du moins, il se retrouve dans la boue, c'est parce qu'il a un ego trop snob. Mais il va revenir, aristocrate, il va être capable à un moment donné. Le maître à l'intérieur de lui, lorsqu'il aura suffisamment digéré, mangé, lorsqu'il sera suffisamment nourri de l'ego, va retransformer l'individu qui, subitement, va commencer un processus de redressement. Ça se fait rapidement, ça se fait très lentement. Un processus de redressement où l'être humain va devenir un élite, un aristocrate. L'incarnation de cette entité-là va passer un double éthérique dans une seule vie. De quelle entité tu parles? L'agglomérat spirituel. L'agglomérat spirituel va se faire dans une vie seulement ou dans plusieurs vies? C'est dit qu'il s'incarne une fois. Une fois dans un corps, dans une vie? Une vie. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'ego, le corps a réussi à attirer un agglomérat comme ça, c'est donc qu'ils sont devenus immortels à partir de là. À partir du moment où le maître ou l'agglomérat spirituel s'incarne dans le corps physique, automatiquement, on peut effectivement considérer à moins d'accidents le parcours, contrairement à Aristote, on peut considérer que l'individu maintenant est immortel. Qu'est-ce qu'on fait? Son corps physique reste mortel possiblement tant qu'il n'a pas suffisamment de déléphérique pour engendrer une fusion avec le corps physique. Mais il est immortel en ce sens que si le corps physique meurt, ce qui constitue sa conscience ne regagne plus le monde de la mort, parce que dans le monde de la vie sans corps, le plan morontiel, la partie transitive entre le monde de la mort et le monde de la matière, il y a un double. qui est original. On peut dire que c'est l'écœurement. Mais quand on parle de l'écœurement, c'est dans cette phase-là, normalement, que ça pourrait se produire. C'est pas normalement. Pas nécessairement ou obligatoirement? Obligatoirement, c'est la phase. Mais un individu qui s'écœure totalement est un individu qui, soit a une psychologie trop faible, qui a été dans le contact de quelqu'un de trop puissant, ou simplement parce que la société dans laquelle il vit trop puissante a été confrontée à trop de neuf. Il n'a pas la rapidité ni la souplesse pour s'adapter au neuf, alors il s'écœure, il s'écœure, il s'écœure, il s'écœure, etc. Il y a un autre phénomène intéressant au niveau du pilonnage de la phrase, c'est le jeu des mots. La parole est de plus en plus importante. L'être humain doit développer une parole d'or, c'est-à-dire qu'il doit développer une parole juste, il doit aussi développer une voix juste, pour finir par être capable d'exprimer le verbe. Le pilonnage de l'astral, c'est-à-dire que les forces mémorielles, tout le passé, les ancêtres, etc., bref, les forces d'involution, font tout présentement pour obliger ceux qui ont de la conscience à avoir une parole tellement désajustée que les mots supportent une valeur tellement fausse du point de vue énergétique que cela peut, par retour endoformique, c'est-à-dire que cela peut, par retour énergétique vers l'ego, engendrer des dépressions ou des écœurements qui sont similaires à l'écœurement de l'écœurement engendré par le contact entre l'intelligence supramentale et le maître spirituel, c'est-à-dire la gamera spirituelle, qui entre en guerre contre l'ego, par le simple fait qu'un jeune va dire, le jeune prend de l'eau ici, il prend de l'eau froide, a un choix d'instruire tout vite avec tout moche imparfait. La problématique qu'il y a, c'est que tous les mots qu'il a employés sont des mots tellement puissants pour désigner tellement rien, que la journée où il prend un peu d'eau, l'eau n'est pas à son goût. Ah, c'est capote. Pas bon, c'est ici, c'est ça. Je déprime. Ce n'est pas long. Car la longue, à force de se répéter ce genre de mots-là, toute la vie, positive ou négative, ne peut plus avoir de saveur. Pourquoi? Parce que l'être humain, dans sa psychologie, n'a plus de mots pour les communiquer. Lorsqu'il voit quelque chose d'extraordinairement génial, il ne connaît pas le mot fantastique, formidable, extraordinaire. Non. Parce que ces mots fantastiques, extraordinaires, capotants, ça, c'est quand l'annonce qu'il voit la télévision sur Coke est pas trop plate. Lorsqu'il capote, lorsqu'il est en déprime, lorsqu'il sait plus quoi faire, c'est quand on vient couper son morceau de musique à la radio. Alors, nécessairement, on parle pas de guerre nucléaire, la vie peut même plus vivre à ce niveau-là. Parle lui-même pas du fait qu'il devra peut-être travailler pour avoir une automobile. C'est même pas concevable. C'est l'enfer noir. Il n'y a pas de qualificatif. Non, il n'y a aucun qualificatif dans sa conscience pour définir ce que c'est que de perdre son emploi, c'est suicide. Il n'y a aucun qualificatif, il n'y a aucun mot pour le signifier. C'est l'extrême. Ah, absolument, ça vaut même pas la peine de vivre. Alors ça, c'est un immense danger qui amène à un écœurement d'écœurement parce que la conscience de l'ego n'a plus de mots pour justifier la valeur expérientielle qu'il vit. Mais est-ce que c'est le vrai écœurement de l'écœurement à ce moment-là ou c'est une... Non, ça c'est la copie dans l'astral de l'écœurement des êtres supramentales. C'est la copie dans l'astral qui est envoyée pour empêcher les individus. Qu'est-ce que c'est que le problème? Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous furiez et c'est supramental, c'est-à-dire que vous êtes en résonance sentimentique, ce n'est pas de l'émotion, avec quelque chose, avec un événement, avec un objet, avec un être humain. Par la suite, l'ego l'ayant expérimenté, lorsque vous allez revoir quelque chose, il va essayer de le recréer. Le recréant, trop souvent, lorsque ça va revenir dans l'intensité de la réalité, l'ego va dire, ah oui, mais ça, je connais ça. Alors, si par exemple, tu rencontres Dieu, pour les spirituels, de la naissance, aller jusqu'à l'âge de 30 ans, la journée qu'on te dit, tu sais, ce personnage-là, c'est Dieu. Tu dis, bah voyons donc, Dieu, ça, c'est pas 30 ans que je connais. Lui. C'est plus Dieu. Alors, c'est la problématique. Quand l'être humain touche à quelque chose de neuf, l'ego se met, soit que l'ego se met en fuite, soit que l'ego se met en extase. Si l'intelligence mentale c'est quelque chose de très supérieur à l'émotion, de très supérieur à l'amour de l'animal humain, l'amour planétaire, si c'est très supérieur à ce que l'ego a toujours vécu historiquement, nécessairement, il risque de soit fuir, soit d'être en extase. Quand l'ajusteur de pensée travaille convenablement, l'ego se met en extase, c'est-à-dire qu'il a petite carotte par petite carotte. Mais si dans la jeunesse ou si dans l'humain, parce que j'ai vécu ces extases, parce que j'ai vécu le contact avec l'intelligence supramentale, parce que j'ai vécu le contact avec la gomera spirituelle, parce que j'ai vécu le contact avec mon dôme éthérique, cette expérience peut maintenant être communiquée astralement à d'autres individus. Les individus qui n'ont pas ces contacts réels peuvent émotivement vivre ce que j'ai vécu, Lorsque moi je vais dire, avoir un ajusteur de pensée, je peux donner un ajusteur de pensée à l'individu. Je peux même forcer l'agglomérat à s'incarner. Mais lorsque l'individu, je lui explique, lorsque l'individu fait le travail, lorsque l'individu parvient à avoir un agglomérat, lorsque l'individu a un ajusteur de pensée, l'individu me dit, oui, mais, oh, j'ai senti une chose, là, mais, c'était pas comme t'avais dit. Un instant, moi, j'ai dit que c'était extraordinaire. Et c'est extraordinaire, ça sent que c'est au-delà de l'ordinaire. Moi, j'ai dit que ça amenait à l'être humain la capacité. Premièrement, ça faisait fuir l'ego. L'ego tournait autour de lui. L'humain avait quelques nausées. Se sentait un peu comme dans un manège à la ronde. C'est que 100% des individus qui, après le séminaire, ont suivi la session sur l'ajusteur de pensée, ont vécu. Et l'individu vit ça 5 minutes. Après ça, il me dit oui, mais c'est après. Toutes les religions du monde veulent faire l'abstinence de la pensée. Les méditations aussi. Le zen aussi. Et moi, ce que je donnais à l'humain, c'est pas l'abstinence de la pensée, c'était le contrôle de la pensée. Et après, il me dit, oui, ok, j'ai fait, c'est beau, mais c'est pas comme problème. La première fois qu'on voit un papillon, c'est génial. Quand on en a tellement parlé astralement, quand t'en vois un, tu l'écrases, pour ça, tu dis, ah, c'est ça? Ah. Mais ça valait pas la peine de m'en parler autant que ça. C'est vraiment, ça fait le problème. Présentement, l'humain, plus il y a d'êtres humains qui passent la phase de l'écœurement, plus il y a d'êtres humains qui réincarnent le corps d'énergie pour en créer un autre, le double éthérique, qui, pourquoi lui est un double? Parce que c'est le double total de l'expérience de l'agglomérat spirituel dans un corps de chair, dans une vie. Ça aura une forme particulière, et dans le monde moron-ciel, ça aura la même forme, c'est un double éthérique. Lui va toujours se souvenir de ce qui était, de ce qui est. Lui garde la conscience d'être T, alors que l'agglomérat spirituel n'a pas la conscience d'être T, de la mémoire qui ne se souvient pas. Son passage dans un corps physique pour une vie va lui servir à ça, de tenir la mémoire pour lui-même. Va devenir autre chose que de la mémoire, mais il ne se rappellera pas, il saura qu'il est. Et cette alchimisation, cette transmutation, se fait par un corps physique. La problématique, je reviens là-dessus, c'est qu'il y a des personnes avec qui je travaille qui ont un ajusteur de pensée totalement opérationnel et qui, dernièrement, je leur disais, oui, mais la question c'est simple, as-tu un ajusteur de pensée? Alors la personne répond oui, et ce n'est pas du snobisme. Et je lui demande, est-il opérationnel? Oui. Bon. Alors l'individu est l'une des rares personnes qui sait, sans recherche émotive, sans triper, qui sait qu'elle a un double éthérique en constitution, qu'elle a un ajusteur de pensée opérationnel et qu'elle s'en sert. Alors que les autres individus vont dire, l'ego cherchant dans sa mémoire pour pouvoir triper quelque chose, non. La première fois que vous voyez un avion passer, l'exemple est simple, on voit un avion passer, on voit un Boeing 747, on regarde ça passer, tout ce qu'on trouve à dire, c'est que ça pollue, que ça fait du bruit. Mais retournons 200-300 ans en arrière, puis faisons passer un Boeing 747 au-dessus de Montréal ou de Paris. Et ça ne dira pas, ça pollue, puis ça fait du bruit. Ils vont tous se mettre à genoux pour adorer Dieu. Maintenant, aujourd'hui, quand on voit la même affaire, c'est de la matière qui pèse plusieurs tonnes, puis ça vole. Ça flotte. Ça amène des gens pour faire le voyage Montréal-Paris, alors qu'avant, ça prenait 3 mois si les vents étaient favorables. Et aujourd'hui, on dit, le disque laser, quand ça marche pas ton goût, tu trouves que c'est correct. Je suis absolument d'accord que l'humain tolère des choses et veulent que les conditions s'améliorent. Tu sais, mettre un disque laser, rien de plus stupide. Tu devrais écouter de la musique quand tu en écoutais de la musique. Les sphères célestes sont là pour ça. Sauf que l'humain, à un moment donné, finit par ne plus reconnaître la valeur de son évolution, de la gradation évolutive, simplement au nom du fait que l'ego a déjà connu le phénomène. Alors, lorsque l'être humain commence à créer dans l'évolution, plus il y a d'humains qui avancent et qui traversent, plus ça instruit le monde de la mort, plus ça facilite la tâche à ceux qui vont le faire, mais en même temps, ça donne de l'énergie, de l'espoir aux forces d'évolution, les forces qui ont engendré les théologies, ça donne de l'énergie à ces forces d'évolution pour pouvoir instruire l'ego, pour pouvoir récupérer l'ego. Traditionnellement, nous disons que l'évolution ouvre des portes d'une façon fulgurante, que rencontrer Dieu, c'est extraordinairement génial, c'est un extase qui... on s'en sort plus. Ah ouais, mais c'est qui a dit ça? C'est Paul. À quelqu'un en physique qui avait, je comprends, il y aurait eu une mouche sur le nez, puis il aurait trippé pendant 6 mois. Alors lui, lorsqu'il a eu un petit contact avec un peu d'intelligence qui lui a fait dire, peut-être, je ne suis pas juste un animal de chair, ben, il se l'a fait vibrer pendant le reste de sa vie. Ça l'a même tué. Alors que nous sommes là à parler d'extraterrestres, peut-être, Puis à se demander si c'est des bons ou des mauvais. Alors, il y a une crise d'évolution au niveau de l'être humain, au niveau de la conscience de l'âme. Mais parce que l'ego a déjà goûté à la pomme, il ne reconnaît pas la pomme. Il se dit, oui, mais, ah, oh, c'est que ça, ah, oh, ben. Tu as une chandelle allumée et tu dois allumer ton poêle à bois pour faire chauffer ton repas si tu as faim. Et dans la nuit, ben, tu cherches du feu. Et là, on te dit, c'est ça, le feu. Ben, oui, non, c'est une tour de ça, c'est pas ça qui va. Oui, faire poisson de la bonne façon. Et il y a une grosse nuance. C'est tellement différent. Il y a eu un temps où on vendait un médicament miracle pour guérir tout. Même la calvitie. Et ça goûtait mauvais. T'en as pas acheté, toi? Non. Puis plus c'est mauvais, plus c'est bon. Aujourd'hui, on s'en sert dans les automobiles, du pétrole. Lorsque bonhomme, Drake, a décidé qu'il faisait de l'exploitation pétrolifère, parce qu'il voulait le raffiner, etc., eh bien, c'était génial. Ça a toujours été là. Quand on avait une terre avec pétrole dedans, elle valait plus rien à terre. C'est pas cultivable. Il n'y a pas de puits. Il n'y a rien à faire avec ça. Alors, on essayait de la vendre. Ça se vendait pas. C'était ridicule. C'était débile. Avoir une terre avec pétrole, c'était l'écœurement total. C'était Dieu taillissait au coton. C'était la haine totale du monde de la mort. On se rejetait totalement. C'était fait fourrer. Mais alors, il a voulu acheter une terre et d'un pétrole dessus. Pas de route. Non, c'est rien de pire. Par contre, quelques années après, Dans les corps physiques constitués actuellement qui sont en force pour attirer une entité, pas une entité, un agglomérat spirituel, comment on peut faire pour le conditionner, ce corps-là, ou le rendre en résonance ou en attirance? Comment on peut faire en sorte qu'il attire un agglomérat? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou on peut rien faire? Si on a le corps qui fait, on l'a, on l'a pas. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou si vous voulez rien faire? C'est la question. Mais si quelqu'un voulait avoir un double éthérique le plus rapidement possible, vous voulez se souvenir ou... On doit s'approcher d'une des deux antennes supramentales qui existent présentement à l'échelle de la planète, faire casser l'ego par eux. Pas dire qu'on s'en gueule, mais faire casser l'ego par eux. Quand l'ego est suffisamment brisé et nécessairement il y a des mutations par imprégnation au niveau du corps physique de celui qui est dans son entourage, et c'est pas long normalement qu'un agglomérat dingue bien descendre. Sauf qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup d'individus, moi, qui m'aillent. Pourquoi? Parce que ce qu'ils étaient venus chercher, ils l'ont eu. Mais il n'avait pas compris. Il n'a pas lu le mode d'emploi. Ben, il avait lu le mode d'emploi, mais on leur avait dit que c'était fonctionnel. Ah, ils voulaient. Mais c'est quoi quel est le problème qu'un ego peut vivre? Parce que l'ego peut en vivre des problèmes quand c'est de toute façon, il y a une descente d'énergie. Ou... Si c'est pas une personne ici, ce sera une autre personne. Une chose certaine, c'est qu'il y a des gens qui vont passer par là, et ces gens-là ne sont pas les premiers. Ce sont les individus qui vont atteindre la conscience supramentale et se libérer des manipulations astrales à travers les temps qui viennent, c'est-à-dire d'ici l'an 2023. Et comment on se le bâtit, le corps d'énergie? Ben, premièrement, faut attirer un agglomérat un agglomérat spirituel. Faut qu'à l'intérieur de l'être humain habite un maître. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Je répète que l'humain qui dit « moi, j'ai 62 ans », avant que... Il y a un homme des cavernes qui a déjà dit ça, là, puis il a transi son corps jusqu'à aujourd'hui, puis vous êtes dedans, puis c'est l'âge, c'est une vraie farce. Alors, on laisse tomber l'âge. Une personne peut signaliser des choses, peut avoir un double éthérique, puis dans 2 ans, mourir. Sauf qu'elle serait... Elle est immortelle. Rien à foutre avec le corps physique. Le corps physique doit se porter. Le corps physique ne doit pas être beau, ne doit pas être en forme pour faire les Olympiques. Et de ne pas avoir tous ses cheveux ou avoir de beaux seins, ça n'a rien à voir. Endocrinalement et neuroniquement, cérébralement et endocrinalement, doit être suffisamment solide. Mais pendant ce contact, l'être humain, entre l'être humain et l'intelligence supramentale, donc parce que c'est un être humain, pourquoi? Parce qu'il y a eu l'intégration ou l'incarnation de l'agglomérat spirituel, le corps physique peut continuer à se désagréger. Ça n'a rien à voir. Tes doigts tombent, tes mains tombent, et ton système endocrinien ne s'exprime plus au contact de l'émotion. Tu es de plus en plus imperturbable. Le maître est en train de prendre sa place. Ce maître spirituel. Donc, il y aura encore dans ce maître des questions fondamentales comme « Oui, mais à quoi ça me mène? Oui, mais c'est quoi l'objectif? Oui, mais j'aimerais comprendre. Oui, mais j'aimerais savoir. » Le maître, il est spirituel. Et c'est correct. Le mental qui va devenir le dieu du maître, le canal, le chemin, le salut, la voie, ne peut pas donner, il va former des carottes pour l'agglomérat spirituel. C'est jusqu'au jour où l'agglomérat spirituel fera tellement confiance en l'intelligence qu'il n'aura plus besoin de carottes. Il saura. Pas une fois aveugle. Il saura, sans savoir. Alors, comment on fait? Donc, premièrement, il faut que le corps physique soit endocrinalement et neuroniquement capable d'attirer un agglomérat. Cela se fait. Ça se fait comment? Ça se fait par imprégnation. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui génétiquement sont déjà prêts. Donc, il n'y a pas besoin d'imprégnation, ils sont prêts. Ils vont prochainement, ou ils ont déjà un agglomérat spirituel, sinon ils vont en attirer un. Lorsqu'ils en auront attiré un, ils vont commencer à comprendre bien les choses. Et en même temps, ils vont commencer à vivre beaucoup plus de problèmes. Ils vont vivre des questions. Et j'ai déjà dit que l'évolution, l'un humain se vérifie à sa capacité de supporter son ignorance. C'est-à-dire que lorsqu'on a beaucoup de questions à se poser, lorsqu'on en veut de plus en plus, et qu'on n'a pas les réponses, et qu'on est capable placidement de supporter la condition de l'ignorance, c'est qu'on est mauditement évolué. L'humain va dire, oui, mais je peux évoluer, je connais pas la réponse. L'évolution est une question d'énergie, de corps d'énergie, pas une question de réponse. C'est pas une question de bobine magnétique. Qu'est-ce qui fait la qualité d'une bobine magnétique? Ce qui est dessus, je parle de la qualité de la bobine, ce qui est dessus ou la quantité d'énergie qu'elle peut accumuler? La quantité d'énergie. Ah, c'est pas si dessus. Une cassette, 3 pour 99 cents à l'heure. Mais la cassette est pas meilleure parce que c'est 3 pour 99 cents qu'une cassette de 3 ou 400 piastres. Je ne parle pas d'informations que dessus. Et si on enregistre l'information générale sur une cassette à 39 cents, on va perdre des hautes, on va perdre des basses, on va perdre énormément d'informations. Alors, on travaille présentement sur la création d'une cassette formidablement géniale, qui est le corps physique, qui est le système neuronique, qui va être le codifieur et le lecteur de la cassette, et le système endocrinien, qui va être l'imprégnateur, qui va être le mémorisateur de l'information. Comment on le crée? Donc, on doit être soit par imprégnation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les conférences, on dit souvent que c'est énergétique, c'est de l'imprégnation. C'est similaire, lui, c'est un survoltage énergie. Donc, c'est une imprégnation, au lieu de faire 40, 50, 60 conférences, on fait deux jours pour régler le problème. Le similaire, d'ailleurs, même, il y a un avertissement majeur, c'est qu'un individu qui le fait ne doit pas prendre de décision majeure, encore une fois, avant trois semaines, un mois, parce que sinon, elle est dans une énergie où elle ne reconnaîtra pas sa décision après. Il y a suffisamment d'énergie pour que, bien souvent, un agglomérat descende, l'individu est transformé. Quand l'agglomérat est descendu, les problèmes commencent. Et c'est pourquoi je dis avec aux séminaristes, après le séminaire, eh bien, il y a des conférences toutes les semaines. Alors, de temps en temps, je suis histoire de venir vous réimprégner ou de poser des questions. Et il y a une conférence spéciale uniquement réservée aux séminaristes une fois par mois. Ça sert à ça, puis il y a des PMC plus une fois trois mois. Ça sert à continuer à amener suffisamment d'énergie, pas juste des réponses de moi, mais non, de l'énergie. Quand un individu arrive à avoir un agglomérat d'énergie, quand un individu fait une percée de sa conscience, il ne peut plus suivre un maître. Il est son seul maître. Il est tout croche. Il n'a pas encore le contrôle mental de son système nerveux. Il n'a pas encore le contrôle total de son corps physique. C'est pas grave. Ce que je veux dire par là, pourquoi je dis ne peut pas suivre un maître, il est capable de reconnaître la valeur d'une personne. Il est capable de reconnaître la valeur d'une instruction. Sauf que si l'instruction devient idiote, il ne l'accroche plus. Les personnes qui ont fait le séminaire, si je dis un jour... Vous devez tous vous promener avec une croix. Ben, j'ai beau être ce que je suis, à part peut-être 3-4 tapettes, il n'y aura pas grand monde qui va se promener avec une croix. Oui. C'est pas long que les individus viendront plus aux conférences du mois et vont s'en aller. Il y en a assez qui en ont déjà porté une il y a quelques années. Ah ben oui. Alors, l'individu qui, après ce phénomène-là, devient son seul maître, il reste à former. Lorsque l'individu est dans cette étape où il a la capacité de supporter de l'instruction neuve. L'instruction, c'est une façon terrestre de communiquer de l'énergie. Mais de l'énergie qui n'est pas capable d'être codifiée sur une cassette, tout à l'heure, 30 à 39 cents, devra être communiquée sous, peut-être sur un disque laser, un disque compact. Et nécessairement, le disque n'a pas la même forme que la cassette. Donc, l'instruction que je donne n'a pas les mêmes mots, n'a pas la même saveur et ne transporte pas les mêmes formes, les mêmes concepts. Mais c'est une question d'énergie. Que Daniel Kemp ait dit un jour ceci, cela ou cela, ça n'a rien à voir, ça n'a aucune importance. La façon dont ça a été dit et ce qui a été dit a été acceptable par l'ego, a été acceptable par le mental, donc l'énergie est passée et l'énergie fait quelque chose. Par la suite, l'individu se dit « oui, mais j'ai oublié ». On s'en fout que tu as oublié. À un moment donné, tu as un accident automobile et tu cries moins. Ça, l'évolution. L'évolution n'est pas de se rappeler qu'est-ce que je dois faire en cas d'accident automobile. L'évolution est d'être calme. L'évolution, c'est pas de se rappeler qu'on doit être calme. L'évolution, c'est de ne pas avoir à se rappeler qu'on doit être calme, parce qu'on est calme. C'est une question d'énergie. Nécessairement, l'individu qui vit ses phases d'évolution est en train de créer un corps d'énergie, un globe éthérique. Il est premièrement en train d'énergifier son corps physique, c'est-à-dire qu'il est dans une phase d'énergification. Premier stade, énergisation. L'énergisation est un survoltage temporaire d'énergie, une montée temporaire d'énergie qui monte après une conférence, par exemple, et qui s'estompe après. Beaucoup de personnes vivent des dépressions après des conférences. Pas tous, mais il y en a qu'après la conférence, ben ils sont bas. On dit down, si on parle mal le français. Ils sont bas. Ils sont terrestrifiés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une énergisation. L'énergisation permet une mutation temporaire qui, à la longue, finit par être cellularisée, donc une mutation permanente du système endocrinien et du système nerveux, du système neuronique. Lorsque l'individu a subi suffisamment de phases d'énergisation, que ce soit en conférence, au niveau du séminaire, que ce soit après le séminaire au niveau des conférences spéciales ou au niveau des PMC+, lorsque l'individu a vécu suffisamment d'énergisation, il va commencer un processus de terrestrification ou d'incarnation du maître, de l'agglomérat spirituel. L'agglomérat spirituel descend pendant la phase d'énergisation habituellement, et l'individu de plus en plus commence à se redresser, se sent un peu plus mal, commence à crier, voit le monde comme étant plus débile qu'il le pensait, vit des phases de manipulation, anti-manipulation, et s'approche de l'écœurement. Par la suite, l'individu doit travailler l'énergification, c'est-à-dire l'anégorisation. L'énergification, c'est lorsque nous créons un potentiel d'énergie qui maintenant nous appartient. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'humain reflétait l'évolution, il réfléchissait aussi, alors que dans l'énergification, création d'un corps d'énergie, l'individu va lentement commencer à rayonner. C'est-à-dire qu'il a maintenant la capacité de synergiser, donc d'auto-créer lui-même de l'énergie. Il va donc commencer à synergiser, c'est-à-dire qu'il commence à rayonner quelque chose. Ce rayonnement devient une mécanique d'imprégnation pour l'entourage. Donc, lentement, ceux qui sont dans son entourage vont commencer à être altérés par la présence du personnage. Et c'est ce qui va créer normalement à l'emploi des problèmes, dans la famille des problèmes, un peu partout. Il y a altération des égos qui, eux, ne sont pas capables de supporter le neuf comme lui le supporte. Cette énergification engendre une solidification du corps vital, donc un corps d'énergie biologique ou atomico-biologique. L'individu, pendant cette énergification, va vivre un symptôme majeur qui, normalement, va être la fatigue excessive. Il peut y avoir des problématiques au niveau de la glycémie. L'individu peut vivre une hypoglycémie temporaire qui peut s'étonner sur quelques années, et l'individu peut vivre différentes phases de fatigue qui peuvent aussi s'étonner sur plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'il y a restructuration du corps physique, cellularisation, donc mutation, réadaptation, rajustement du corps physique, pour que celui-ci puisse supporter d'une façon plus grandiose la guerre qui, de toute façon, se fera entre ce que moi j'appelle l'homme, l'agrégat spirituel, et l'anti-homme, les mémoires réincarnationnelles qui sont finalement la lignée génétique du passé. Pendant les problèmes physiques que tu mentionnais tantôt, on pourrait aussi retrouver un électroencéphalogramme problématique alors qu'il n'y a pas de problème avec le cœur. Oui, l'individu peut avoir des douleurs rétrosternales qui sont uniquement neuroniques, qui ne sont pas cardiaques. L'individu peut avoir, il y a un paquet de phénomènes de ce genre. La majorité des pathologies peuvent être recréées dans cet espace, alors que biologiquement, médicalement, tous les médecins seront d'accord pour dire que vous n'avez rien. Alors on va dire, c'est dans la tête. Ils ne pensent pas si bien dire. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est dans la tête que ça sort. C'est une mutation. Mais l'animal humain est en train de devenir un humain. On peut avoir tous les symptômes de la maladie, mais en réalité, on ne l'a pas. Évidemment. Et on peut aussi avoir tous les symptômes de la maladie et à mourir. Sans l'avoir. Non, là. Ouais, OK. Alors, il faut quand même faire une nuance. C'est pas à cause que, conférence de M. Kem, parce que quand j'ai des douleurs rétrosternales, c'est pas un DRS, c'est pas de l'angine de poitrine, c'est pas un infarctus. Quand tu viens tout débile pour la terre, tu baves, c'est pas un infarctus, mais peut-être on va diagnostiquer quand même un infarctus du myocarde comme de cause du décès. L'individu doit quand même vérifier certaines choses. Mais c'est évident que ça sert à rien de faire 25 mètres 5 ans. Il y en a 2-3 qui s'entendent pour dire que t'as rien, alors que tu traînes à terre, c'est que t'as rien. Est-ce que c'est l'ego, à ce moment-là, qui veut te faire traîner à terre? Non, lui, il sait pas, il est pas au courant de ça. c'est une mécanique d'ajustement. Mais là, tout ce que tu dis, là, moi, j'aime pas ça qu'on dise ça, sur l'ego. Parce que ça semble être facile et évident qu'à partir du moment où tu es écœuré d'être écœuré, tu passes de l'autre côté, puis là, tu formes ton double intérêt. C'est vrai. Bon. Sauf que l'ego, c'est pas ce que c'est qu'être écœuré d'être écœuré. La musique non, arrête, puis il dit, ah, là, je suis écœuré d'être écœuré, là. Comment ça, ça marche pas? Tu es rendu à un point où il est pas mal écœuré. Disons qu'il est pas écœuré d'être écœuré, mais proche. Puis là, je dis, ben, c'est parfait, parce que quand je vais avoir passé ça, je vais être correct. Non, c'est plus écœuré, là. C'est quoi l'écœurement d'écœurement? Un être humain est écœuré d'être écœuré lorsque pour lui, plus rien sur la planète, ni dans ses mémoires, n'a d'importance. Là, il est écœuré d'être écœuré. Lui, il lui faut une petite pipette, chicnode, pour traverser la falaise et commencer une évolution d'obétérique, création du corps d'énergie, immortalisation sans problème, etc. Mais quand il va être à ce point-là, comme il n'y a plus rien qui a d'importance, qui va réussir à le convaincre qu'il a besoin d'une chicnode, vas-y? Où l'ego va-t-il le corps physique pour retourner dans le monde de la mort? On appelle cela un suicide, quand on ne comprend pas. Moi, j'appelle cela un meurtre. Il y a énormément de meurtres qu'on appelle suicide. Ou une antenne supramentale, ou une personne qui est capable d'imprégner dans l'entourage de l'individu va nécessairement faire en sorte que l'individu va dire, bon, ben là, je n'ai rien à perdre, fait que moi, tiens, j'embarque. Il embarque dans quoi? C'est le langage de l'ego. Mais il embarque dans l'évolution. Il finit par se dire, bon, ben, il effectivement passé sa vie à tout faire pour mourir. En tout cas, peut en mettre des choses qui fait que ça te mène nulle part. Tant qu'à y être, on va se désintoxiquer. Alors, feu, amène-moi tout ce qui est neuf, et je sais que tout ce qui est vieux n'a rien donné. Tous les vieux qui ont parlé des choses vieilles sont morts. Tout le passé est mort avec les formes du passé. Alors, ramenez-moi pas le passé pour m'expliquer ma vie. Tous ceux qui ont cru à ça sont morts, l'histoire le prouve, ils sont plus là. Tu peux aller pisser sur leur tombe, il n'y a personne qui va sortir, ça va te donner un coup. Il n'y a aucun problème, ça ne le servit à rien du point de vue d'une application efficace pour l'humain. Alors, lorsque l'être humain est prêt maintenant à faire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 24 heures sur 24, on décide qu'on s'en sort. On se sort de quoi? On fait comme je dis souvent, on tourne de bord. Et on ne regarde plus où on veut aller. On sait pas où on veut aller, nos yeux ne peuvent pas voir assez loin. On se tourne de bord, et maintenant on regarde où on veut plus être. Et maintenant on met toute l'énergie qu'il faut pour fuir ce qu'on ne veut plus. Donc on va avancer reculons. Et en éliminant tout ce qu'on ne veut plus, nécessairement on va s'en aller droit là où on doit aller. C'est plus simple. On ne peut pas avoir un but. S'aligner vers le but, mais il faut plutôt déterminer. Le but est d'éliminer ma pauvreté. Le but est d'éliminer ma maladie. Le but est d'éliminer mes manipulations émotives. Le but est d'éliminer mes peurs, mes angoisses, mes craintes, mes ennuis. Le but est d'éliminer mes jalousies, mes désirs, mes hontes. Le but est d'éliminer ma culpabilité. Le but est, voilà le but. Et le but, c'est un but rétroactif, c'est-à-dire qui semble rétroactif, qui regarde ce que tu es, et ce qui te nuit, tu veux l'éliminer. C'est une raison intelligente d'évoluer. L'autre côté, oui, mais ça me mène où? Tant qu'à mourir, en broyant, je m'en mourir en rien. Mais au moins en faire ce que c'est quelque chose. L'animal humain peut comprendre que tu arrives sur le sur une mort. Mais tout ce qui a déjà été essayé, n'ayant pas fonctionné, je me tourne de bord et je me dis, je me suis tout passé, j'aime si à demain. J'aime si au neuf, j'aime si à ce qui se passe là, j'élimine des choses. Et quand je dis éliminer, ça ne veut pas dire essayer de me contrôler. Je ne dois pas contrôler ma jalousie. Non, je dois intelligencer la chose. C'est ça qui est neuf. Mais tu peux l'éliminer en intelligentant? Ben oui. C'est de cette façon que tu fais ton corps d'énergie, c'est-à-dire que tu es jaloux. Il faut se stupide d'être jaloux. Tu es manipulé, il faut stupide d'être manipulé. Tu ne dois pas, tu trouves ça drôle parce que tu le sais. C'est un corps d'énergie, un dieu d'épérite, un égoïste. C'est en train de devenir immortel. Il y a des façons d'aller plus vite. Est-ce que l'effet de rire d'un problème comme ça, d'une manipulation, fait automatiquement qu'il l'élimine? Non. Ça fait automatiquement que tu crées un double éthérique. Et ça fait que, vous ne pas, à un moment donné, un problème sans problème va être éliminé. Mais c'est pas parce que tu ris que tu t'en vas tuer. Mais c'est parce que tu ris que tu grimpes. Le maître est en train de prendre dessus et est capable de constater les muscles pour faire rire, même s'il broye en même temps. Il y en a un qui prime par une partie du bord, puis l'autre par l'autre bord. C'est en train, même, finalement, de prendre le contrôle.